souvent. Des fois. Non, souvent. La nuit, lorsque je dors, parce que dans mon cas, je trouvais que ça sentait bien. Parce que moi, c'est des fois la nuit lorsque je dors. Je reçois des décharges d'énergie qui me font sursauter. Explique. Bon, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer les décharges d'énergie qui font sursauter les individus. Peut-être trop près des lignes à haute tension d'hydro. Un lido chauffant. Elle a peut-être des grosses couvertes de laine, puis quand elle se frotte là-dedans, à un moment donné, des étincelles. Habituellement, les personnes qui vivent ce genre de phénomène sont des personnes qui font des voyages astraux, qui sont plutôt des voyages désastreux. La personne, elle décolle, et puis il y a une espèce d'étirement du corps vital, et la personne, lorsqu'elle revient dans son corps physique, elle revient d'une façon tout croche, elle rentre la tête aux pieds, les pieds à la tête, d'où l'expression « passer avec ses pieds ». Et puis, à un moment donné, ben, le corps vital... Avoir l'estomac dans les talons, bientôt. Ben oui. Alors, à un moment donné, le corps vital se replace, il reprend sa position, et ça peut donner des décharges... qui sont à caractéristiques biologiques, qui ne sont pas neuroniques exactement, c'est des décharges qui sont d'ordre vital, où la personne peut avoir des réactions corporelles. La mécanique des réflexes, par exemple, c'est similaire un peu à ça. Quand une personne prend un verre d'eau extrêmement chaud, elle le lâche. Pourquoi? Parce que les cellules ici qui sont sensitives, qui vont détecter la chaleur, ça vient jusqu'à la colonne vertébrale. De là, il y a une mécanique qui va interpréter. Si c'est dangereux pour le corps physique, il y a un ordre qui vient empêcher, qui vient canceller l'ordre des muscles de tenir le verre. Et il y a un autre ordre qui part en même temps, qui vient ordonner aux muscles antagonistes d'ouvrir la main pour lâcher le verre. Et en même temps, l'information va vers le cerveau pour lui dire « Ouch, ça brûle ». La personne va dire. Sauf que la personne va lâcher le verre avant de sentir la douleur. Pourquoi? Parce que l'ordre est retourné avant que ça arrive au cerveau. C'est une mécanique réflexe. Extrêmement génial. Moi, si Dieu m'aurait conseillé là-dessus, j'aurais opté pour. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que comment expliquer qu'une personne va être capable de prendre un verre, puis se mettant, prend un verre bouillant, puis là, l'ordre réflexe de le lâcher arrive, puis c'est au-dessus de quelqu'un. On va dire son bébé. Puis elle ne le lâche pas. L'ordre vient dire aux muscles d'ouvrir avant que le cerveau soit informé. Et la personne est capable d'envoyer un contre-ordre plus rapide que l'ordre nerveux réflexe. Alors, il arrive ceci. Il arrive que la main commence à s'ouvrir, le cerveau est informé, c'est pas encore décodé au niveau neuronique, et c'est décodé au niveau astral. Et là, il y a un ordre vital qui part, qui est beaucoup plus rapide que les ordres nerveux. Il longe le corps. Et il vient anesthésier suffisamment les muscles antagonistes, les muscles qui allaient ouvrir la main, pour les empêcher d'ouvrir plus sous la faible impulsion de l'ordre réflexe. Et le cerveau maintenant envoie la confirmation de l'âge Paul Vert, qui lui va venir carrément reprendre les choses en main. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain fonctionne autant par contexte vital que contexte neuronique. La médecine étudie surtout le contexte neuronique. On commence à étudier le contexte vital avec l'acupuncture. Pendant trop longtemps, la médecine occidentale étudiait les cadavres, puis l'énergie vitale, c'est la vie. Donc, dans un cadavre, il n'y en a pas, ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu trouver qu'il y avait des points d'acupuncture, justement, des méridiens yin et yang et ominal, qui sont des méridiens vivants, alors que les orientaux, eux, étudiaient les corps vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est capable d'envoyer suffisamment d'énergie vitale dans sa main pour être capable de prendre un verre extrêmement bouillant, ne pas se brûler, parce que l'énergie vitale va venir énergiser tellement les cellules de sa main qu'il n'y aura aucune déformation dans la matière, et la personne ne sera pas brûlée. Donc, elle pourrait prendre une tige de métal chauffée à blanc, puis la mettre là, puis mettre le feu à la table, puis elle ne se brûlerait pas. Maintenant, ce qui arrive, donc, c'est qu'il y a des ordres comme ça. La personne qui dort, à un moment donné, si le corps vital revient un peu tout croche, ça peut engendrer des spasmes, par exemple, qui ne sont pas nécessairement d'ordre neuronique ou qui ne sont pas nécessairement des polarisations ectopiques au niveau musculaire. Maintenant, il peut arriver aussi que, simplement parce que le corps vital rentre d'une façon original, que ce soit au niveau du cerveau que les choses vont se passer. Et là, ça peut faire en sorte que le cerveau décode des décharges. Et nécessairement, décodant des décharges localisées au niveau corporel, la personne aura aussi l'impression qu'il se passe de quoi au niveau du corps physique. C'est évident qu'il y a aussi certaines problématiques typiquement biologiques qui peuvent engendrer ce genre de choses-là. C'est un peu comme à un moment donné, vous vous frappez quelque part sur le bord du coude, là, puis là, il y a une choc électrique qui vient jusque dans le petit doigt, puis là, on est, ça fait bien, bien suspect. Là. Exactement comme si on avait reçu une décharge électrique. Là, pour ça, à un moment donné, à l'école, ils sont amusés à faire sauter les fusibles avec des compas. Là. À l'école, ils ont pris des décharges électriques, puis ils savent que c'est similaire. C'est une impression neuronique. C'est pas une lecture réelle au niveau biologique. Il se passe quelque chose, puis le cerveau le lit d'une certaine façon. C'est un peu comme énormément de perceptions cérébrales chez les personnes transitives, les personnes qui sont en train de transiter d'évolution à la conscientisation, où à un moment, par exemple, ils vont avoir une douleur rétro-sternale, une douleur au cœur, qui est parfaite. Hein? C'est une broche qui traverse directement le système sternal. Et la personne peut même avoir une faiblesse subite, puis ça disparaît. Et puis là, bon, ça va, tu sais, mais elle a eu... Ça va passer un électrocardiogramme, par exemple, ben, on verra absolument rien. Il ne s'est jamais rien passé en réalité. Le cerveau a décodé une douleur rétro-sternale, donc le corps agit comme s'il y en avait une, mais il n'y en a jamais eu une là. Il y en avait une là. Il y a des personnes, à un moment donné, comme je l'ai déjà dit, ça pique. Si t'as beau gratter, ça pique toujours. T'arrêtes de gratter, ça pique encore. C'est pas nécessairement cutané. Si le cerveau détecte que ça pique là, ben nécessairement, vous allez gratter en maudit pour absolument rien. Sauf qu'en grattant, ça soulage. Pourquoi? Parce qu'on stimule la région, donc on envoie de l'information au cerveau qui vient un peu mélanger son décodage. Il y a l'humain, c'est pas juste pluricellulaire, hein? C'est plus complexe que juste la matière atomique, la matière moléculaire, la matière cellulaire. Alors la personne, elle peut vivre donc plusieurs phénomènes qui peuvent amener des décharges d'énergie qui sont simplement causées par un voyage astral. Ce qu'elle va vivre, donc ce qu'elle va envoyer, ce qu'elle va communiquer à son corps physique, son retour corporel. Très souvent, les personnes ne reviennent pas convenablement dans leur corps physique. Il y en a à un moment donné qui ont subitement l'impression de tomber, hein? Ils se réveillent bien vite. Bien, c'est parce qu'ils sont rentrés assez rapidement dans leur corps physique. Ils allaient faire un mauvais coup, l'astral vient de se cacher. Oui, c'est ça, vient de se cacher. Mais il y en a d'autres, imaginez que des personnes... Ça entend passer une police astrale juste au-dessus. Oui. Ça arrive peut-être des fois de te réveiller un matin. Je me réveille le matin. Puis d'être aussi fatigué, sinon plus fatigué que la veille. La plupart du temps. C'est ce que je dis des fois parce que je ne voulais pas exagérer, mais... Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ou encore, on se réveille le matin, puis Christy, mal dans le dos, et n'importe où, c'est compliqué. Hein? Tu te laisses bien marcher, mal à une cheville, ben non, qu'est-ce qui ne va pas? Ton corps vital est déphasé, ton corps astral est mal rentré. Bon, la personne va vivre différents phénomènes, là, mais il y a des personnes qui se lèvent le matin, puis sont toutes tout croches, là, par couchez-vous. J'ai toujours dit, moi, je me lève à 8 heures, puis je me réveille à 10 heures. Ouais. Avant que tout soit en forme, là. Puis il y en est fier, hein, il y en est fier. Mais moi, je me réveille à 6 heures, puis je me lève à 8 heures. T'sais. Mais ce qui arrive simplement, c'est que la personne, ce qu'elle devrait faire, c'est se rendormir. Se recoucher. Pas se recoucher, se rendormir. Parce qu'en se rendormant, les corps vont ressortir, puis ils vont probablement avoir la possibilité, puisqu'ils n'auront pas se promener, parce que l'ego sait très bien que là, ben là, crime, c'est le matin. Faut qu'il se lève. Alors, tout va se replacer tout seul comme il faut. Tandis que si tu le gardes comme ça, le temps que ton corps vital migre lentement juste pour se replacer, puis que ta douleur dorsale disparaisse, ou que ton problème physique disparaisse, ou que ton humeur revienne, ça va prendre 2 heures comme dans ton corps. Toi, tu te réveilles à 8 heures, pendant 2 heures, tes corps migrent lentement pour essayer de se replacer, ce qui fait que tu comprends pas trop, tu vois mal, tu sais, puis... T'as beau, tu prends ton café, puis t'essaies de pas te brûler les yeux, justement. T'essaies de pas te brûler les yeux de ton café. Puis, ben, ça prend un laps de temps, puis vers 10 heures, le corps, par habitude, le corps astral se place là. Et là, ça devient un problème, parce que ce qui va arriver, comme dans son corps, c'est que chaque fois qu'il se réveille, le corps astral descend. Au lieu de se placer à sa bonne place, ben, il est habitué. Maintenant, il se place croche. Fait qu'il se réveille tout croche, puis le temps qu'il vient de se sentir, ça prend 2 heures. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, des adolescents, ou même des plus jeunes, qui vivent exactement ce phénomène-là. Il se réveille pas, il n'y a rien à faire, le corps est tout croche, les pieds sont en haut, la tête est en bas, il marche, il ne marche pas. La personne devrait se reposer. C'est évident qu'une personne, par exemple, qui fait de la méditation supramentale, ou juste une méditation, disons, transcendantale, tu connais, bon, la personne elle s'écrase un peu, puis ça peut se décolle, donc ça sert. J'ai commencé depuis une semaine à faire du vélo le matin, quand ça m'arrive, ça. à tous les matins. Tu es réveillé quand même, une affaire? Ça va mieux. Voilà les premiers arrêts. Tu vois d'où tu vas ou tu vois d'où tu viens? Ça me permet de savoir si tu es assis sur le bon côté. Ça va mieux, ça me réveille. Oui, pourquoi? Parce que tu fais une activité, ce qui fait que nécessairement, en activant le corps, tu actives le corps astral qui doit suivre, tu actives le corps, tu actives le corps vital, puis ça va savoir placer les choses. Surtout que le vélo, comme la marche à pied, ça crée un pompage au niveau des vertèbres sacrées, puis ça va permettre au liquide céphalo-rachidien de circuler convenablement. Lui, il vient nettoyer puis refroidir le cerveau, et parce que ça se met à travailler un peu plus au niveau cérébral, ça a une incidence au niveau du corps vital, puis ça va replacer les choses. Bon, la marche, on dit que ça éclaircit les idées, c'est uniquement ce qui se passe. Puis le vélo, c'est un peu la même chose, tu pompes chaque bord avec une selle conventionnelle. Alors, c'est ce qui va arriver avec la personne, puis ici, vous réveillez les matins tout croche au travers, quand on dit tout croche, là, vous êtes réellement tout croche, tout croche. Donc là, il faut qu'on se replace. Normalement, on va méditer, on va relaxer, ou on va faire de la course, ou on va faire quelque chose, ou on va se recoucher. Les enfants, c'est ce qu'ils font, ils se recouchent, mais ils se recouchent 3 heures de temps. Quelqu'un qui s'enlève, c'est dans ton compte tout croche, pas mieux. Il y en a qui leur faut 12, 14, 15, 16 heures. En tout cas, moi, les miens, c'était des dormeux. Il faut se coucher, mais pas trop longtemps. C'est là que je commence à m'endormir le matin. Il faut m'aller, ça me choque. Comment les vaisseaux de lumière vont-ils procéder pour ramasser le monde quand le moment viendra? Bon, ben, ce serait... c'est compliqué à comprendre. On va faire une petite histoire pour expliquer. Premièrement, quand on parle de vaisseau de lumière, c'est intéressant. C'est sûr que la lumière, du point de vue spirituel, c'est toujours le salut, c'est les forces messianiques, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, c'est la divinité, c'est tout ce qui est supérieur à l'humain. Et tandis que le noir qui est l'absence de lumière, ben, c'est ce qui fait peur à l'humain, ce sera les forces du mal, ce sera les forces d'involution, les forces de descente, les forces de la chute, etc. Quand on parle de lumière, à un moment donné, on a pris du plutonium et puis on l'a fait sauter et puis on l'a fissuré et puis ça a créé une bombe atomique. La matière est devenue lumière. C'est évident que du point de vue, donc, même alchimique ou ésotérique, même la matière, c'est de la lumière. Ce sont des atomes. Les atomes sont constitués de constituants subatomiques, on va dire des quarks. Et puis tout ça au complet, c'est relié ensemble par certaines forces, des forces subatomiques. Puis à travers tout ça au complet, si on arrive à scinder ces choses-là, on se rend compte qu'il y a de l'énergie là-dedans de façon absolument efférente. Donc, on parlera de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue plus cosmique, tout ce qui est matière est lumière. Donc, une navette spatiale est un vaisseau de lumière. Mais c'est de la lumière navettisée. Hein? C'est de la lumière densifiée. Quand on parle de vaisseau de lumière, quand on parle de mécanique extraterrestre, pour ramasser le monde quand le moment viendra, c'est évident que depuis très très longtemps, depuis quelques milliers d'années, depuis près de 30 000 ans, les individus qui y ont vécu s'attendent continuellement à rencontrer, à un moment donné, un principe de salut qui va venir du ciel. Et dans le contexte spirituel, le ciel, évidemment, ça va donc d'une religion, d'un égrégore. Puis dans le contexte matériel, le ciel veut dire des airs, donc d'une autre planète. Les personnes attendent ça depuis des dizaines de milliers d'années. Et lorsque l'humain, aujourd'hui, ça fait tellement d'années qu'on attend après ça, qu'à un moment donné, quand on en reparle, c'est comme si on parlait de stupidité puis de niaiserie. L'homme s'est toujours senti sur une prison ici. Fondamentalement, la planète Terre est une prison. On va revenir à un moment donné dans une conférence au mois de juin, je crois. La planète Terre est une prison, pourquoi? Parce qu'elle a servi de contexte carcéral à des mécaniques extraterrestres, il y a de cela quelques millions d'années, et à travers cela, puis un mélange à travers les visiteurs puis les gardiens, ça a engendré une particularité humaine. Et nous, on garde l'idée qu'on est sur une prison, puis on agit un peu comme des prisonniers. Sauf qu'on est dans une prison, mais on n'est pas les prisonniers. Mais ça, tant qu'on ne le sait pas, évidemment, c'est compliqué. Alors, nécessairement, on attend, nous aussi, on attend depuis archétypalement, donc depuis l'instruction des vieilles formes, on attend que du ciel viennent les phénomènes qui ont mis à nous sauver. Alors que le salut humain ne procède pas du tout comme ça. Nous ne sommes pas des prisonniers, fait qu'on n'a pas besoin d'être sauvés. On n'est pas mal pris sur la planète Terre, c'est notre planète, c'est notre monde. Par contre, les intraterrestres, ceux qui, à l'époque, ont été placés ici en tant que prisonniers, bon, ben, le processus réincarnationnel existe aussi. Et dans les années qui vont venir, à un moment donné, ceux qui étaient là à l'époque se seront réincarnés dans ceux qui resteront maintenant, ce qui fait que ce seront les mêmes individus, avec quelques millions d'années d'expérience planétaire. Et eux vont effectivement se faire récupérer par des vaisseaux de feu, c'est-à-dire que l'Apocalypse de Jean parle. Jean parle d'Apocalypse, parle d'élus, ils ont des marques dans le front, etc. Mais il faudrait leur voir la face. Bon, en tout cas. Et puis, lorsque l'humain parle de vaisseau de lumière, il faut qu'on fasse juste une nuance avec autre chose. C'est que l'humain est présentement approche d'une finalité au niveau de la cinquième race mère. Donc, la race blanche, la race neuronique blanche, ça, donc ça inclut les races cutanées de d'autres couleurs, mais ça dépend du système endocrinien, du système neuronique. Nous sommes descendants de la cinquième sous-race, de la race teutonique anglo-saxonne, et présentement, il y a des personnes au Québec qui font partie déjà de la première sous-race de la sixième race mère. Et ces personnages-là n'auront pas à vivre l'apocalypse des autres, c'est-à-dire que chaque fois que l'humanité, que les humanités, ou qu'une évolution de l'humanité sur un monde refroidi arrive à la fin d'un cycle, puis les cycles, c'est pas une question de chronométrie. On calcule pas ça en nombre d'années. Hein. L'humain regarde le nombre d'années, puis il se crée des cosmogonies. Mais ça a un rapport simplement au taux vibratoire des individus. Ce qui fait que présentement, on est rendu dans une évolution humanitaire où certains cerveaux et certains systèmes endocriniens, donc certains corps physiques habités par certains humains, ont un taux vibratoire capable de recevoir de la spontanéité, d'intelligence supramentale. Et rendu à un certain moment donné, eh bien, la majorité des personnages vont migrer vers un territoire particulier, qui est la première terre de surface sur cette planète, et qui est le bouclier canadien, dont le Québec fait partie, évidemment. Et les individus vont commencer à se réchauffer d'une nouvelle façon, et se réchauffant d'une nouvelle façon, ils vont commencer à réincarner des mémoires de l'avenir. Donc, ils vont réincarner des mémoires d'un monde du futur, ce qui va leur donner souvent l'impression qu'ils ne sont pas sur la bonne planète présentement, ou que les choses sont connes. Alors que dans la structure évolutionnaire, on réincarne uniquement des mémoires du passé, ce qui fait qu'on parlait du bon vieux temps. Alors qu'il y a des personnes maintenant qui vont parler du bon nouveau temps, tu sais, qui ont hâte d'être ailleurs. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les personnes réincarnent donc de l'avenir et du passé, réincarnent en même temps du présent. Quand on parle de mécanique, les mécaniques géoviques, éoliques, les éloïens, entre autres, font partie des mécaniques éolimiques, et non pas éloïmiques, et c'est une grosse famille. Les éloïens ont comme fonction de ramasser les génétiques évoluées pour les transplanter sur des mondes refroidis. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque, il y a quelques millions d'années, puis c'est ce qu'ils font présentement, ils ramassent des génétiques un peu partout pour les ramener ailleurs. Et ce qui arrive, c'est que prochainement, il y a d'autres mécaniques aussi qui vont apparaître. Ces mécaniques-là font partie des processus fusionnels, c'est-à-dire que quand l'être humain, au niveau de sa conscience, est arrivé sur un monde refroidi, la majorité de ce qu'il avait comme conscience ne pouvait être supporté par le monde planétaire et c'est resté ailleurs dans la galaxie, ailleurs dans l'univers, donc ailleurs dans d'autres galaxies. Présentement, il y a des contextes, il y a des contacts qui s'établissent de plus en plus entre les individus qui ont un taux vibratoire suffisamment avancé. Et ce contact-là, c'est un contact qu'on appelle séraphique. Donc, c'est réglé par des séraphins. Et ce sont des communications par transport séraphique entre l'humain présentement ici, qui est en conscientisation, et des mécaniques qui font partie de l'être humain, qui sont en phase d'évolution dans d'autres galaxies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années qui vont venir, il y a des personnages qui devront se rassembler. C'est-à-dire que les individus qui se conscientisent vont finir par retrouver des particularités de conscience absolument phénoménales. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de se rappeler subitement des choses que l'humain n'aura même jamais imaginées ou n'aura même jamais pu être informé des mécaniques divines de l'époque, ni même des mécaniques melchisédiennes. Ça veut dire que le premier véhicule de lumière qui doit être créé, c'est un vaisseau. Ce vaisseau-là, c'est un vaisseau qui est unitaire, qui ne peut contenir qu'un être humain. Et ce vaisseau-là, c'est un vaisseau qui est créé à partir de l'effusion supramentale, donc d'une mécanique supramentale qui descend dans le contexte planétaire, et de sa friction avec l'ego d'un humain. Donc, de la personne qui se conscientise. La friction égoïque va engendrer un plan mental super développé, qu'on va appeler supramental. C'est un mental qui est totalement désassujetti des contextes limitatifs planétaires, c'est-à-dire que ça va permettre à l'humain de connaître des choses qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Donc, des choses qui ne sont pas tributaires des mémoires expérientielles de la planète. Alors, ce qui fait qu'une personne va dire « Oui, mais Moïse a déjà dit que... » Puis une personne va dire « Oui, Moïse a dit ça, mais Moïse, ça n'a pas tout. » Mais qu'est-ce que t'en sais? Ben, veux-tu que je t'en parle? T'sais, j'en sais rien si j'en parle pas. Là, tu commences à en parler, puis la personne va te dire, où c'est que tu prends ça? Ben, je prends ça où ça se trouve. T'sais, je m'en fous, je prends ça. Et progressivement, ben, tu fais comme le Nazaréen. Le Nazaréen n'est pas venu défaire la loi, il est venu parfaire la loi. Ben, on parfait sans arrêt les choses, parce que tout n'a pas été communiqué. La personne qui en arrive là, elle va progressivement vivre une non-égoïsation qui est la fonte progressive de son ego. En réalité, c'est la transmutation des mécaniques astrales de mémoire de l'intelligence en mécanique de véhicule d'intelligence. L'ego humain, la psychologie humaine, c'est la mémoire de l'intelligence. C'est pas intelligent, ça apprend. Ça ne comprend pas. Ça apprend. Et quand ça a bien appris, ben ça fait comme si ça comprenait. Mais c'est comme les chiens savants, ils n'ont pas compris. Tout ce qu'ils savent eux autres, c'est que pour avoir le bonbon, ben tu fais ça, puis pour fuir la punition, tu fais telle chose. Mais ils n'ont pas compris la mécanique. Bon, alors l'humain est un peu comme ça présentement, puis il y a des personnes qui se conscientisent. Ces personnes-là vont finir par engendrer un contact qui va créer la négoïsation, et ça va créer un double éthérique, c'est-à-dire que ça va créer un vaisseau de lumière. Le premier véhicule, on va dire extraterrestre, là, mais c'est pas les extraterrestres à moustache ou les extraterrestres avec des antennes. C'est extérieur au contexte planétaire. Ça provient d'une extraterrestre territorialité planétaire. Ça ne vient pas de la Terre. Ces véhicules-là sont des véhicules qui sont des doubles éthériques. Les doubles éthériques sont des véhicules, donc des vaisseaux spatiaux qui sont unitaires, c'est-à-dire que lorsque la personne, si elle meurt avant la fusion complète entre son corps de physique et son corps de lumière, la personne ne gagnera pas le monde de la mort, va rester dans ce véhicule-là, donc elle sera immortelle du point de vue de sa conscience, alors qu'actuellement, les gens sont digérés par une force purgatorielle dans le monde de la mort, et la personne pourra, à un moment donné, se réincarner, se rappeler ce qu'elle était, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Si la personne arrive à maintenir la vie de son corps suffisamment longtemps pour engendrer une fusion double éthérique, double corporelle, ça va faire en sorte qu'elle aura ce que l'humain ésotérique appelle un corps de lumière. C'est un vaisseau de lumière. Maintenant, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que les personnes qui auront des doubles éthériques totalement fusionnés, ces personnes-là n'ont pas besoin de vaisseau spatial. Par transport séraphique, ils pourront s'en aller n'importe où. Les individus qui sont en transition, donc les individus qui sont en train de se conscientiser, qui font partie de la première sous-race ou de la deuxième sous-race de la race mère bleue, donc de la sixième race mère, on parle toujours de bleu, pas cutané, neuronique, ben, les personnes en transition, ces personnes-là devront aussi être sauvées. Sauf qu'on devra ramasser leur corps physique au complet, leur génétique, préserver l'état intégral de leur structure astrale, donc de leur âme. Ça veut dire qu'on devra non seulement kidnapper l'individu, mais on devra kidnapper aussi tout le contexte dans lequel il évolue. Donc, on devrait kidnapper une partie du monde de la mort pour que les structures astrales puissent être maintenues au niveau de l'individu, de faire en sorte que le mental puisse être supporté encore par l'astral, de faire en sorte que le contact avec les énergies supramentales se poursuive. Bon, c'est compliqué ce que je dis là, mais finalement, tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand l'être humain va être suffisamment avancé dans sa phase d'initiation lunaire qu'on appelle l'apocalypse, quand l'humain va être suffisamment avancé dans le processus apocalyptique, il y a des individus qui n'auront pas à vivre ce processus apocalyptique. Et ces individus-là, à un moment donné, rencontreront effectivement des vaisseaux qui seront matériels, suffisamment matériels. Ce seront des vaisseaux qui seront constitués à même l'énergie supramentale des individus qui en auront plus besoin, donc de ceux qui auront vécu leur fusion. Et c'est pourquoi les individus qui seront transportables sont des individus qui doivent se tenir énergétiquement près d'individus qui ont des antennes collectives, parce que les antennes collectives sont les premiers individus qui vont réussir à parfaire leur fusion et les vaisseaux seront créés à partir de l'énergie des êtres en fusion, des êtres fusionnés. Donc, les individus vont pouvoir, à un moment donné, auront accès à un vaisseau. Il y a des choses que l'humain, je ne dis pas tout non plus, mais l'humain, par exemple, a une grosse nouvelle qui atterrit ou qui est là, simplement. Et puis, la personne, elle se dit, oui, mais là, qui me dit que c'est les bons ou les pas bons? Et je dis souvent que ces vaisseaux-là viennent de l'avenir, de ce que l'humain appelle aujourd'hui le présent. Et c'est vous-même qui allez venir vous chercher si vous êtes de ceux qui devaient partir. Pour un paquet de raisons, de stratégie, parce que si l'humanité bifurque, il y a un avenir qui disparaît. Pour que cet avenir-là ne disparaisse pas, les individus qui vivent là vont descendre dans le passé chercher leurs ancêtres, c'est nous autres, et ils vont nous ramener dans leur temps de façon à ce que nous, on puisse engendrer les personnages qui vont les engendrer eux. De cette façon-là, il y aura une partie de l'évolution de l'humanité qui sera totalement déconnecté de l'évolution générale de l'humanité. Et il y en aura un monde ailleurs qui sera inconnu de l'humanité apocalyptisée. Et puis, eux vont continuer à vivre des cycles qui font partie de la gestion de l'évolution des humanités. Et il y aura des individus qui, du point de vue, disons, spirituel, auront été sauvés. Mais ils n'auront pas été sauvés. Ils auront eux-mêmes fait un travail pour parvenir à s'extirper simplement d'une mécanique temporelle qui n'est pas grand-chose, enfin, qui est mémorielle. Alors, bref, grosso modo, ceux qui auront à s'en sortir, pas de problème. Il y a d'autres mécaniques qui vont arriver aussi, où à un moment donné, il y a des individus qui vont vivre quelque part sur la planète, et puis ils n'entendront pas parler d'apocalypse, ils n'entendront pas parler de guerre, ils n'entendront pas parler de rien. Et puis, ils vont peut-être en entendre parler de très loin, t'sais. Et puis, en l'an 2023-2030, les individus vont commencer subitement à sortir de leur territoire, puis à rencontrer d'autres personnes. Il y a des personnages au complet, des régions complètes du bouclier canadien qui, à un moment donné, vont être fermées. C'est exactement comme si on ramassait, on va dire le Québec. C'est comme si on ramasse le Québec, on le sort du contexte planétaire, et puis on laisse à la place un Québec illusoire avec des gaulas, c'est-à-dire des personnages qui sont génétiquement identiques à nous-mêmes et qui ont une programmation astrale similaire à nous, mais ce n'est pas nous. Et nous, on s'en rend pas compte, on est rendu carrément ailleurs. Et puis, à un moment donné, on est replacé dans le contexte planétaire des dizaines d'années plus tard. Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qui, par exemple, vous connaissent. Et puis, subitement, ben là, ils commencent à jaser. Puis, ils disent, c'est drôle, le Québec est chargé, dingo, c'est pas lui, c'est. Ben, c'est lui, mais c'est pas lui. Ben, c'est ça, c'est pas lui non plus. Sauf que celui qui est là, il est convaincu d'être lui. Hein. Puis, mais c'est pas lui. Puis, alors que le vrai lui, puis là. Ça prend-tu un passeport, là? Il n'y a pas de port, donc, il n'y a pas de passeport. Ça prend un passe-planète. Ça prend un poste planète, ça, vous faites la demande, et puis ça prend des milliers d'années de calculum vitae intact. Oui, c'est ça, il faut qu'on sache. Mais le passeport, c'est une farce, comme de raison. Mais ça n'en est pas une en même temps. Dans le sens que si on ne fait pas ce qu'on a à faire aujourd'hui, tantôt, tu as dit on attire au début de la première partie. On s'attire ce qui nous arrive. Là, on prend tout le temps ça du niveau négatif, mais c'était énergétique. OK, je t'arrête juste deux secondes. Si ta structure est orchestrée pour que tu t'en sortes sans l'apocalypse, les gens qui vont vivre l'apocalypse vont s'en sortir aussi. Bon, ça va prendre quelques millions d'années encore, mais ils vont s'en sortir aussi, c'est pas un problème. Non, mais millions d'années dans l'éternité, c'est comme si on parlait d'un pet à travers c'est pas, hein, bon. C'est parce que l'humain vit trop lentement, c'est assez long. Hein. Mais ceux qui ont à s'en sortir sans passer par l'apocalypse vont s'en sortir. Le fait de comprendre le processus opérationnel du miracle et de s'en servir, ça ne nous amènera pas à nous en sortir. Ça va nous amener à vivre d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus agréable, le temps qu'on s'en sorte. Moi, je ne peux pas accélérer l'évolution de personne. Tout ce que je peux faire, c'est la rendre agréable et la rendre douce. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas accélérer l'évolution d'un individu, je ne peux rien faire. C'est son chemin, c'est à lui de faire ce qu'il a à faire, et il est manipulé puis il est structuré. Moi, je ne peux pas rien faire d'autre. Par contre, il n'y a rien qui dit que l'humain doit passer par là ou plutôt que par là. Par contre, l'humain va partir de là, va arriver là. La mécanique, le cheminement, ça, c'est plus ou moins remis entre les mains de l'humain. Sauf qu'évidemment, on a remis ça entre les mains de l'humain. Il dit, passe par où tu veux. Puis on te fournit pas de carte. Passe par où tu veux, mais va à Québec. Oui, ça, c'est évident qu'il va se ramasser à Québec. De toute façon, tous les chemins mènent là. On dit à Rome. Bon, les chemins mènent à Rome. Mais tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome. C'est plus précis. Les chemins mènent à Rome. Sauf que l'humain peut arranger sa structure ascensionnelle, de l'évolution à la conscientisation, à l'intelligentiation et à d'autres choses, d'une façon beaucoup plus jolie, beaucoup plus agréable, beaucoup plus esthétique. Et c'est ce que moi, je peux communiquer, c'est ce que je dois faire. Donc, le faisant, ben, j'apprends beaucoup en parlant à ce que je le communique. Et plus les gens s'en servent, plus les gens permettent l'instruction des grégores qui vont faciliter pour tout le monde la même mécanique. Mais moins les gens l'appliquent nécessairement, moins ça fonctionne. On parle de pilonnage du monde astral, donc il faut que les gens appliquent les choses. Alors ce qui arrive, c'est qu'une personne qui a à s'en sortir, elle va s'en sortir. Mais il y en a une qui va arriver en rampant à la dernière minute à la Indiana Jones, elle va se ramasser à s'accrocher après le silencieux de la soucoupe volante, puis tu sais, il va faire une partie du voyage en essayant de rentrer par le trou pour... J'espère qu'elle va prendre son chapeau, tout ça, tu sais, elle va rentrer en silencieux, traverser le pot catalytique, puis elle va remonter, tu sais, elle s'en sort, c'est méritoire, génial, elle va ressortir par les toilettes, tu sais, on va dire, écoute, t'as manqué le désordre. Bienvenue à bord. C'est ça, c'est bienvenue à bord, c'est un tarif. Mais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui évoluent comme ça, ils sont presque rendus, on tire la chasse d'eau, ils redescendent jusqu'en bas, ils commencent à monter, on tire, tu sais, ils n'ont pas pris le bon chemin. Mais ils sont dedans, pas de problème, ils sont dedans. Je suis dans sa coupe, oui, mais t'es dans les égouts, c'est ça. Alors, l'humain doit comprendre que tous c'est... Tous les égouts sont dans la nature. Mais bon, l'humain doit comprendre que c'est pas nécessaire de souffrir, c'est pas nécessaire d'être pauvre, c'est pas nécessaire d'être pauvre en temps, d'être pauvre en matière. C'est pas nécessaire de vivre cette mécanique-là pour se conscientiser, pour évoluer. Sauf que traditionnellement, ben, c'est un péché d'être riche, t'sais, alors que c'est un péché d'être pauvre. Hein. Et puis, l'humain n'a pas à se culpabiliser, mais l'humain doit s'arranger pour travailler des structures qui vont lui permettre de vivre autrement. On en masse de tout, tout est là pour nous servir. Mais nous, on sert tout ce qui est là. Fait qu'il y a un foutu problème. Alors l'humain qui va s'en sortir, va s'en sortir. Par contre, la personne qui applique le processus, disons, du miracle, c'est une personne qui va simplement s'en sortir aussi vite qu'elle l'aurait fait sans servir. Elle va s'en sortir avec le sourire. Elle ne sortira pas par les toilettes. Elle va se servir des toilettes. Daniel, qu'est-ce qu'il y a réellement au centre du soleil? Ben, des problèmes. Quelqu'un qui se pointe le nez là, là. Premièrement, la personne, elle aimerait que je lui explique des choses qu'elle... Non, la personne, elle aimerait que je lui dise ce qu'elle veut entendre. Alors, c'est déjà une problématique. Parce que c'est un peu comme, moi, je suis sûr que telle affaire, fait que tu poses la question à quelqu'un, il te donne d'autres choses. Tu recommences, tu sais, mais non, mais réellement, il y a quoi, là, t'sais? C'est pas ça, il y a réellement, il y a quoi, là? Il y a ça. Bon. Au centre du soleil, c'est plein de problèmes. Cette personne-là, ici, là, ici, disons, si elle va au centre du soleil, là, elle va trouver que des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un problème pour elle, le soleil. Puis là, évidemment, cherchez pas de midi à 14h. Ah oui, c'est un problème pour moi, le soleil. Ah ben, tabarnouche. Non, là, c'est un deuxième problème pour toi, le soleil. Ce que je veux dire, c'est que la personne devrait se focaliser ailleurs. Dans le soleil, il y a des choses... Pour l'humain, c'est problématique. Du soleil vient tout ce qui sert à la régence de la conscientisation, mais d'une façon qui... j'ai pas voté pour eux autres, moi. C'est-à-dire que l'initiation lunaire, c'est formidablement plate. C'est idiot. C'est tu gagnes, tu perds. Celui-là, tu l'as pu. Tu penses l'avoir, tu l'auras pas. T'es sûr, tu l'auras pas, tu te donnes. Bon, c'est l'initiation lunaire. L'initiation solaire, c'est intéressant parce que ça permet à l'humain de faire éclater toute une grosse partie du mensonge cosmique. Ça permet à l'humain de recevoir de l'information directement plutôt que de la voir passer par une mécanique de prédigestion, de déphasement. La problématique de l'initiation solaire, c'est que c'est initiation, le mot... L'initiation est toujours solaire au départ. Initiation vient du mot initiation, ignès, qui veut dire feu. Et parce que l'humain n'est pas capable de supporter directement les rayons du soleil, ben il peut regarder la Lune. Puis la Lune, c'est les rayons du soleil qui sont réfléchis par la Lune. Donc on parlera d'initiation lunaire quand c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement atténué. Ça peut être grand-chose. L'initiation solaire, elle va être régie par les mécaniques qui proviennent du soleil. Puis là, je ne vais pas rentrer dans des détails particuliers. En conférence réservée aux séminaristes, on peut prendre plus de temps parce que bon, on a un langage qui est plus, répandu, les gens font des similaires, il y a un langage, des mots que les gens connaissent, on peut prendre ces mots-là pour aller plus vite. Sans ça, là, il faut expliquer trop les mots. Mais le soleil lui-même, c'est lui qui... les énergies du soleil vont régir totalement le phénomène de conscientisation chez l'humain, donc l'initiation solaire. Et la première partie de l'initiation solaire, c'est l'apocalypse. Et l'initiation solaire, c'est une initiation de forgeron. Et ils ont comme principe, eux autres, que le marteau brise le cristal, mais forge l'acier. Moi, j'ai comme principe qu'on peut faire d'autres choses. Alors, l'initiation, le phénomène solaire, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui va apporter plus de problèmes à l'humain intelligent que de solutions, parce que ça s'adresse à l'humain qui n'est pas intelligent. C'est supramental peu, parce que c'est pas rien de bouddhique là-dedans. Il n'y a absolument rien de bouddhique dedans. Il n'y a pas de gratuité au niveau des relations. Il y a... Alors, ce qui fait qu'une personne qui se sent trop sous le soleil, c'est intéressant, mais disons, pas en conférence régulière. C'est trop long. Les conférences, les autres, peuvent durer 3 heures, mais là, on passe le temps. Lorsqu'on a conscientisé un problème avec lequel nous sommes liés, comment décoder la mécanique et comment y remédier? Bon. Pour décoder la mécanique, il faudra que vous entraîniez. Première chose à apprendre... Se faire confiance. Cessez de douter de soi. Parce qu'au départ, c'est évident que vous allez vous niaiser. Et j'explique souvent, c'est toujours la même chose, quand on ouvre un robinet d'eau chaude pour avoir de l'eau chaude, qu'est-ce qui coule? Ben, c'est de l'eau froide. Fait que si on dit, ah, ben ça marche pas, bon, on ferme le robinet, ben c'est évident qu'on n'aura jamais d'eau chaude. Puis on l'ouvre un mois après pour voir si maintenant c'est correct, là, puis il va y avoir encore de l'eau froide. La solution, faites couler l'eau. L'eau froide qui est dans le tuyau, vous finissez par sortir, l'eau tiède va arriver, ben après on aura l'eau chaude. Les individus sont trop impatients et les égos sont tellement convaincus qu'ils peuvent pas, que le moindrement que ça s'essaye un petit peu, là, s'ils n'ont pas le résultat tout de suite, ça ferme tout. Ça marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de ramasser l'énergie d'un autre. Par exemple, moi, je viens d'utiliser mon eau chaude, là, fait que les gens, ils essaient de s'imaginer que mon tuyau, c'est le lave, et il l'ouvre. Ah, il est chaud tout de suite. C'est vrai. Mais la journée que vous ne pourrez pas avoir accès à mon tuyau, ben nécessairement, vous allez avoir encore de l'eau froide. Fait qu'une personne, par exemple, qui se sert du contact de quelqu'un d'autre, mettons, qui écouterait ses cassettes, qui aurait fait des conférences après, les MTS, entre autres, les martyrs de la transition supplémentaire, sont souvent attachés justement à une antenne collective, puis ils ont des problèmes à ce niveau-là. Ça va bien tant qu'ils sont connectés, même s'ils parlent contre l'autre, ils trippent pas, ils vont écouter des cassettes ou ils vont le voir de temps en temps. La personne doit donc commencer par décoder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pour un exemple, ici, je place et regarde le verre, Charles. J'aime pas bien ça quand tu fais des expériences. Non, mais je lance en général, c'est pas doux, les pas les bon. T'es gars. C'est correct. C'est bon, mieux. Et puis, le monsieur qui est ici a un certain petit problème avec sa vie. Je place le verre comme ceci. Peux-tu me parler de ses problèmes? Problème émotif de couple. C'est tout. Bon. Là, évidemment, si on serait dans un théâtre, je pourrais dire au monsieur ce qu'il a raison. Le monsieur pourrait dire, je ne vis pas en couple. Non, mais peut-être que des problèmes émotifs paraissent de couple. À quoi c'est une couple, tu dis couple? Je sais pas. Peut-être. Je n'ai rien à foutre. Là, ce qui va arriver, c'est que le monsieur peut dire, non, il n'y a pas ça du tout. Il n'y a aucun problème, ça ne veut pas dire que Charles n'est pas bon, ça veut dire que Charles n'est pas réchauffé. Vous allez devoir faire la même chose. On travaille sa sensibilité, on travaille son intuition. Bon, je vais recommencer par exemple avec un jeune ami ici, comme ça. Son plus gros problème, c'est quoi? Là, c'est le mien, c'est moi qui ai un problème, là. Parce que là, je ne vais pas me tromper. Tantôt, je ne savais pas ce que tu faisais. Ça, parce que là, maintenant, il commence avec son ego. Mais quand je vous disais, là, vous allez vous niaiser. Voilà, c'est commencé. Oui, c'est ça qui arrive. Vous êtes aussi capable. Qu'est-ce qu'on a à faire de réussir ou de manquer son coup toute notre vie? Vous allez mourir peut-être un jour quand même. Fait que toute ma vie, faites attention. Pourquoi? Bon, si vous ne dites rien, vous vous trompez peut-être autant que si vous le dites. Puis, tu sais, on n'a rien à foutre. C'est bon, son problème majeur, c'est quoi? On regarde dans le coup. La gêne. C'est en le regardant lui ou en regardant la coupe que c'est ça? En regardant la coupe, en regardant la gêne, la non-acceptation de soi. Bon. Et puis, s'il est suffisamment lucide, il va commencer à penser qu'il commence à être bon, lui. Bon, là, c'est trop bon, faut qu'on collecte. Arrête. T'as même fait parler après la conférence. J'ai pas fini, moi, là. Moi, j'ai fini. On prend un papier. Je donne encore comment on décode. C'est aussi con que ça. Les personnes ont l'impression qu'ils doivent étudier dans des livres. Mais si c'est ça, j'en écrirai des livres. Vous les achèterez, moi, ça va me faire vivre. Et puis, vous pourrez lire des pleines affaires compliquées pour, après ça, vous autoriser à le faire tout seul. Alors que vous pourriez commencer par vous autoriser à le faire tout de suite. Tu sais, je suis le cours de yoga. Du yoga, là, c'est de l'élongation tendino-musculaire. Ce que tu as à faire, c'est d'étirer les tendons et les muscles. Tu fais du yoga. Tu vas bien mollo, tu... Oh. C'est du yoga, ça? Ben oui, c'est du yoga, ça. Et non, parce que Rajdi, machin chouette, il l'a pas fait, puis là, lui, il faisait comme ça, les deux mains ensemble, fait que c'est pas du yoga. L'humain, c'est comme ça. Bon, tu te mets à terre, puis tu t'étires au complet. Ben oui. Ben c'est ce qu'ils font, ils s'étirent au complet, eux autres. Après ça, ils se plient, ils vont toucher les orteils, après ça, la pince. Ben oui, c'est correct. Tu t'étires au complet, après ça, tu tournes sur un bord, puis là, tu le fais en position assise, la position maître. Mais ça, chacun invente ses affaires. Tout le monde peut le faire. Avec ma cerveau aux érections qui marche plus sur mon auto, c'est du yoga, c'est... Non, ça développe tes muscles. Parce qu'il faut que tu forces pour te diriger, ton écho, il veut que c'est méritoire. Maintenant, ce qui arrive, regardez ceci. Comment pouvez-vous faire confiance à un être humain qui n'a pas suivi de cours de yoga, puis qui a écrit des livres sur le yoga? Peut-être qu'il ne faut pas être dedans. Il y en a plein qui lisent la cosmogonie du Rancio, et ils disent, hey, ça c'est vraiment maudit. Le gars qui écrit ça, là, mais il n'a même pas suivi de cours avant de l'écrire. Comment on fait? C'est toujours la même maudite affaire. Le Tai Chi Chuan, hein? Il y en a qui ont le Tai Chi, l'autre le Tai Chi Chuan, puis bon, n'aime-le quoi. Le Tai Chi! Tu sais, je le bras, une petite bébelle, je monte, tu pousses l'énergie, tu ramasses l'énergie, pas pousser du bord. Mais le premier con là, qui s'est commencé à faire ça de même, il n'a pas suivi de cours, puis les autres, ils l'ont tout cru. Mais pourquoi vous autres, vous n'avez pas inventé n'importe quoi, puis vous ne vous croyez pas? Si c'est la même affaire que l'autre là-bas. Non, tout on se fie simplement si quelqu'un d'autre l'a fait, nous autres on n'est pas capables, on est trop cons. Puis le gars qui faisait comme ça, lui, c'était pas compliqué. C'était peut-être une maladie qu'il y avait de voir ça au début. Ouais, mais c'est vrai, c'est... on sait pas. Il paraissait relax, c'est parce qu'il y avait un problème au niveau des nerfs. Fait qu'il y avait qui bougeait dans la face, il paraissait relax. Tu pinçais, puis ça bougeait pas. Les gens étaient paralysés. Fait qu'on s'est dit, on fait comme lui. Ce que je veux que vous compreniez simplement, c'est que vous êtes capable de faire n'importe quoi, puis c'est aussi valable que de n'importe qui. Tout ce qu'il y a, c'est que si vous vous assujettissez à vous confronter à autrui, puis ça c'est la structure collective, c'est la structure évolutionnaire, c'est la structure sociale, se confronter à autrui, pour savoir, ben là nécessairement ça marche plus. Et la carte, le fou, là, ça veut-tu dire qu'on va gagner de l'argent? Ah ben non, absolument pas. Le fou, ça veut dire que... C'est pour ça qu'on a des tirs aux cartes, là, vous êtes plus capable. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà, là? Si la carte, le fou, veut dire que vous allez faire de l'argent, ben, vous allez la sortir uniquement quand vous allez faire de l'argent. C'est simple. La roue de fortune, c'est quand vous allez mourir. Ben, vous la sortirez pas. Là, vous sortez le fou, ah, on va faire de l'argent. L'autre va dire, non, non, le fou, ça veut dire que vous êtes en mutation cérébrale. Tu sais, il se passe des choses. Vous êtes perdu. Ah oui? Ah, je pensais que c'était pour faire de l'argent. Ah non, c'est la roue de fortune. Ah, mais c'était la mort. Ah non, la mort, c'est la maison de Dieu. Là, vous n'êtes plus capable du tout. Là, vous devez commencer à suivre des cours. Puis à mémoriser. Votre intuition prend le bord de la poubelle. Là, vous devez y aller mécaniquement. Ça complique toutes les choses. On peut même pratiquement tirer les cartes à l'envers. Mais rien à foutre! C'est prends les cartes, tire les blue bang bang! Tu tires les cartes! Tu regardes à travers, c'est comme un nuage. Yeah! Il va t'arriver! C'est bon. Qui que ça tire aux cartes? C'est ça. Et l'autre, il veut pas dire l'autre, il ne veut pas te payer. C'est... Mais c'est ça que vous devez comprendre, c'est tellement, tellement banal, c'est tellement facile. On se fie à des personnes qui ont des turbans, des grosses bagues fausses, là, puis des boutons, et puis là, ils vont vous tirer aux cartes. On se fie aux autres. Je vais vous aider, je vais diriger votre vie. Là, tu dis, combien de Mercedes, 14? Je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin de la matière. Pourquoi tu as des grosses bagues? Ah, c'est pour éteindre l'énergie. T'en comptes des menteries, ma petite? Mais si t'es pas capable de gérer ta vie, comment peux-tu gérer la mienne? Mais ça marche! Ils sont capables de gérer la vôtre! Puis convenablement! Pourquoi? Parce qu'ils sont corrects. Ils sont bonnes. Les cartomanciens, cartomanciennes, ils sont corrects. La majorité. Le problème, c'est qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi ils sont corrects? Parce qu'ils l'ont. Pourquoi ils ne sont pas capables de s'en servir? Parce qu'ils ne se font pas confiance pour eux autres. Mais s'ils se font confiance pour eux autres, ils pourraient autant. Puis nous, ben, souvent, on va aller voir ces personnes-là parce qu'on ne se fait pas confiance pour nous autres mêmes. On est capable autant. Je prends la feuille ici, c'est la publicité du mois prochain. C'est l'apparition d'un troisième cerveau. Oh. Bon, en regardant le papier... Tu le verre ou pas? Ouais, tu peux tasser le verre. Le plus gros... Attends, on recommence. Bon, je vais poser une question avant de le voir, c'est exactement la même chose. C'est comme ça que vous devez faire. Le problème du Québec actuellement, c'est quoi quand tu regardes le papier? On est pognés. On se sent coincé. On est coincé entre le Canada, le désir de se libérer, puis en même temps la peur de se ramasser tout seul. Fait qu'on est poigné. Bon. D'autres personnes ont vu là un excrément, tu sais, Québec. J'ai poussé loin. On voit n'importe quoi. Puis une personne rationnelle va dire, ah oui, mais c'est sûr, sa cause est oubliée, qu'elle pensait ça. Il aurait pensé n'importe quoi d'autre, puis on aurait été immédiatement capable de dire, ah oui, mais c'est sûr, c'est à cause qu'il y a de l'encre noire, ah oui, mais c'est sûr, c'est à cause que... C'est pas ça. Laissez-vous aller. Regardez la chose, là. Les jeunes, souvent, quand vous étiez jeunes, ça vous est arrivé, ça, d'être jeune, hein? Bon. Là, vous regardez les nuages dans le ciel, puis vous disiez, guerre, on dirait monstre, guerre, on dirait l'Afrique, guerre, on dirait... Mais ben, il y en a, là, qui regardent ça, qui disent, ah, c'est le temps d'acheter la bourse. Ben, chacun s'en sert à sa façon. Puis quand on devient adulte, on devient sérieux. On regarde les nuages, on dit, ah, il va pleuvoir demain. C'est très, très, très facile. Apprendre à décoder, c'est extrêmement facile. Vous devez le faire. C'est tout. C'est tout, tout, tout, tout. Tout. Juste puis en le faisant, ben, au départ, ça va paraître suspect. Puis progressivement, ben, ça va finir par être très correct. Appelez pas votre courtier en disant, là, si tu veux, je regarde les nuages, achète mon nom du IBM. Vite, vite! Vite! L'idée, simplement, c'est qu'il n'y a pas de mécanique à enseigner. Vous devez uniquement vous fier sur vous-même. On peut en enseigner des mécaniques, on va vous collectiviser, on va vous traditionnaliser, puis ça va fonctionner à moitié. Sauf que moi, je préfère que l'humain devienne son seul maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je communique l'information, mais après ça, vous devez prendre les outils et travailler avec. Si vous développez vous-même vos propres capacités à décoder les choses, c'est ce qui doit être fait. Par exemple, vous avez rêvé à un chat. Quelqu'un qui rêve à un chat, normalement, c'est parce qu'il se confie à quelqu'un et la personne en parle. Donc, une personne à qui tu te confies, confie-toi plus à elle. C'est correct. Mais vous rendez-vous compte du travail que vous devez faire pour arriver à rêver comme dans le livre. L'interprétation des rêves. Ah oui, parce que c'est ce livre-là, vous pourrez vous comprendre. Faut que tu lises le livre avant, quasiment. Oui, ouais, mais non, mais rien que le fait de l'avoir touché, ton égo, il se complète tout ce qui est dedans. Bon. Mais là, c'est ça le problème. Alors, au lieu de cela, ben, vous rêvez, vous vous réveillez le matin, puis là, vous dites, bon, tiens, j'ai vu telle affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut bien vous dire. Ça veut rien dire. Mais servez-vous-en! Ça va stimuler chez vous l'intuition, qui est le contact supramental de base, puis vous allez savoir les choses. C'est bien simple. Alors, ça te sert à quoi d'aller voir un cartomancien dans la vraie communication télépathique avec lui pour le manipuler à interpréter des cartes comme tu l'aurais fait? Puis en plus, c'est 50 pièces. Puis là, lui, ben là, il est là, puis là, il dit tout ce que toi t'aurais dit. Mais tu fais confiance. Mais lui, il sait uniquement parce qu'il rentre en communication télépathique avec toi. Puisque là, il va dire, c'est parce qu'il pose des questions. Et sinon, les questions aussi font partie de la cartomancie. Avec ta voix, ta façon de répondre, tout un paquet d'affaires. Mais si on l'écrit, il me semble que, en l'écrivant, on s'écrit soi-même. Parce qu'au début, là, avec qui tu vas le dire, là, ça dépend toujours si tu as une personne dans le couple ou un ami qui est proche avec qui tu peux te permettre de dire des folies, entre guillemets, là, parce qu'il y a le temps de faire couler l'eau froide. Mais si tu peux l'écrire, tu que la question, c'est que la réponse, c'est que la question, à un moment donné, ça devrait tomber sur quelque chose de pas mal valable. C'est ce qui va arriver, c'est évident. C'est comme un peu, par exemple, là, vous avez quelqu'un que vous détestez au bout, là, c'est vous autres. Écrivez-lui une lettre. Mais sais-tu pourquoi vous ne l'aimez pas? Puis vous allez découvrir pas quelle affaire. La personne va dire que c'est niaiseux, c'est pas long, mais si on le fait. Pour apprendre à décoder, donc, c'est extrêmement facile. Ce qu'on a à faire, c'est de décoder. C'est très simple, très, très, très simple. Vous êtes assis une position particulière, puis à un moment donné, vous dites, tiens, j'ai mal une fesse. Ça veut dire quoi? Mais bon, c'est pas votre vie de faire ça. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on le fait de temps en temps quand on a un problème. Mais là, juste pour t'amuser. Bon, j'ai mal à le faire, ça peut vouloir dire quoi? Tiens, il y a quelque chose sur lequel je t'assieds qui me fait mal. Je suis inconfortable dans ma position. Là, vous allez dire, c'est vrai, au bureau, on est ras-le-bol. C'était niaiseux. Mais qu'est-ce que ça fait à la fesse? On n'a rien à faire de la fesse. Une personne intelligente va vous dire, intellectuellement plutôt, elle va vous dire, ben écoute, change de position, c'est tout, c'est niaiseux, passe pas ton bureau. Tu as changé de position. Là, tu changes, c'est ça. Ouais. Là, tu changes de position biologique, tu te dis, crime, c'est vrai, ça marche. C'est sûr, ça va fonctionner. C'est pas ça qui est arrivé. C'est que là, tu as fait une prise de conscience que probablement que ta position au bureau, elle te déplaisait. Ta position quelque part, à cause de ta fesse. Elle sert à rien, la foufoune, elle sert à vous faire asseoir. Sauf qu'on se sert des mécaniques pour stimuler l'intuition qui nous branche à un contact supramental. Moi, je me branche, tu me poses des questions. Je me branche à volonté. Sauf que les gens, au départ, on ne le fait pas à volonté. Il y a des moyens de le faire. Moi, j'étais très, très jeune, puis je tirais aux cartes. Bon, je connais les résultats de mes examens, tu sais, puis etc. Pour ça, je me suis rendu compte que ça me disait que je coulais, ça me disait que je passais. Là, j'ai pris un pendule, une vieille clé. Puis là, parce qu'une vieille clé, parce que plus il y a de mémoire, d'expérience dans la clé, plus c'est connecté à du monde qui savent de quoi. C'est une vieille clé. Là, à l'école, ben, j'étais là, dans mon pupitre, puis là, j'ai dit oui, non, tu sais, c'est des oui, non, oui, non, oui, non. Fait que là, j'étais oui, non, oui, je répondais oui, non. Là, c'est pas pire. J'avais un égo médiocre à l'époque. Je réussissais mes examens, c'était bon, mais j'avais un égo médiocre. Fait que c'est pas long que l'égo commençait à me donner l'inverse des réponses. Parce qu'il voulait que je coule. Puis que j'ai commencé à m'en rendre compte, c'est quand il me disait oui, je mettais non, tu sais. Puis il a commencé à me donner la vérité. Puis après ça, j'ai plus su si c'était l'inverse ou fait que j'ai jeté mon pendule. Mais ce que je veux dire, c'est que très très jeune, j'ai commencé à me servir de toutes ces affaires-là, puis sans lire. J'avais commandé des livres de Robert Laffont, des gros livres noirs. Tout le monde en avait, personne les livres, tu sais ce que c'est? Bon, des gros livres noirs, des ésotéristes, bon. Et le premier livre, il y avait un jeu de tarot avec ça. L'inexpliqué, expliqué par 14 personnes. C'est ça, c'est plus l'index. Bon. Alors là, moi, je reçois le livre en question, il y avait un petit jeu de cartes avec ça, c'est un livre, c'est tarot. Je commence à ouvrir le livre, il est épais comme ça. Tabarnouche, j'ai jamais lu ça. Moi, là, j'ai pris les cartes à la place, puis je me suis fait ma propre façon, puis je suis devenu un des meilleurs tireurs de cartes du quadrilatère où je restais. Parce que mes chums avaient peut-être commandé des livres, vous autres aussi, puis ils avaient lu les livres. Il n'a pas fini, il était rendu à 4 cartes. Il tirait 4 cartes. Moi, j'ai rendu avec les 22 arcanes tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut le faire. C'est pas parce que c'est Daniel Kemp. Je suis devenu ce que je suis parce que je me suis autorisé à me laisser aller. La personne devra décoder uniquement à décoder. C'est extrêmement banal. Puis là, la personne qui se dit j'ai mal une fesse, une position, ça cause comme bureau, Elle vient de sauver 100$ d'un psychologue qui lui a dit la même chose en 5 heures. C'est vrai que mais ça, je le savais déjà. Faites attention à ça, je le savais déjà. Vous savez toutes déjà ce qui vous nuit. Vous le savez toutes. Sauf que vous ne le savez pas assez. Cette personne là, oui, mais toi là, tu manges trop. Ah, ça, je le sais ça. Non, tu manges trop! Ah oui, mais c'est le problème! Mais oui, mais Oui, ben c'est pas longtemps. Et pour ça, tu recommences. C'est ça qui est le problème! Oui, mais je le sais, ça. J'aimerais apprendre d'autres choses, tu sais. J'aimerais remplir la tête d'un paquet d'affaires qui ne serviront à rien. Mais non, on le sait, c'est correct. Puis à un moment donné, personne n'a dit c'est vrai au bureau, c'est. Et là, elle prend un temps différent pour conscientiser que c'est vrai que ça marche mal là-bas. Maintenant, là, la question ici, comment y remédier? Bon, maintenant que ça va mal au bureau, là, j'y remédie comment? Autre question, pourquoi ça va mal au bureau? C'est important de faire le cheminement jusqu'à temps que ça revienne à votre conscientisation. C'est là que ça va être utile. Bon, pourquoi ça va mal au bureau? Mais là, je sais pas, là. Quand j'irai au bureau, là, je rentre au bureau, là, puis là, on va commencer à regarder le monde. On dit, je sais pourquoi ça va mal au bureau. C'est tout des débiles. T'sais, c'est du monde qui peut parler. C'est sûr, je peux parler, tu sais. Et là, ben là, je vais m'asseoir, je vais aller aux toilettes, t'sais. C'est pas ça dans tout le monde, tu pousses un peu. Puis là, tu apprécies la saveur quand t'es rentré. Ça allait pas. Pourquoi ça va pas? Là, tu décodes. C'est pas, pourquoi ça va pas? Peut-être à cause que faudrait que je change d'emploi, ou peut-être. Non, c'est pas ça du tout. Là, vous allez changer de structure de baromètre. Ne faites pas ça. Servez-vous des occasions pour apprendre, pour vous conscientiser. Si vous avez changé d'emploi, après, vous allez changer tout seul. On soit seul, on va s'en offrir un emploi. Là, ça va être, bon, ben là, j'aime pas le monde. Pourquoi j'aime pas le monde? Donc là, on s'en regarde. Un tel, j'aime pas la face, pourquoi? Parce qu'elle est trop fouineuse. Bon, correct. Là, vous observez-vous en même temps. Là. Elle est trop fouineuse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez moi que je déteste les gens fouineux? J'ai peut-être plein d'affaires à cacher. Mais j'ai rien caché aux autres. Mais c'est facile, je regarde pas. Continue. M'en donner, t'as peut-être trouvé, peut-être que je me cache plein d'affaires. Laissez faire les autres, c'est toi la faute des autres. Non, servez-vous de votre vie comme baromètre, d'aller avancer, puis facilement, ça va être rapidement. Alors, la personne a des codes, puis là, elle va commencer à remédier, parce que là, sa position de fesse, c'est sûr qu'elle change de place, ça arrange sa fesse, mais c'est pas ça, elle savait que c'est une position au bureau. Pourquoi elle n'aimait pas ça? Puis, à un moment donné, elle va dire, je me cache de quoi? Je me cache à rien. Puis de continuer à observer. Il y en a un autre là-bas, lui, tu l'aimes pas. Pourquoi? Parce que lui, là, il est tout au-dessus de ses affaires. Tu sais, pas de problème. Tu sais, monsieur veut nous faire croire que. Là, fais un effort. Va voir quelqu'un, puis tu demandes ce gars-là, là-bas, là. Penses-tu qu'il veut nous faire croire qu'il n'y a pas de problème? Peut-être que l'autre va vous répondre. Absolument pas. Il n'a plus de problème. Il n'a pas son temps d'en parler. C'est votre vision, vous autres, là. Vous le jalousez, puis vous le démolissez. Pourquoi? Mais fouillez encore. C'est uniquement ça. C'est pour ça qu'il y en a un qui nous engueule tout le temps. Pourquoi j'attire quelqu'un qui m'engueule? J'ai quelque chose. Est-ce que je veux me punir si je réincarne le japonais et me faire acquérir? Pourquoi j'attire ce genre de choses-là? Qu'est-ce qui se passe? Je me punis? Je m'aime pas? Parce que c'est facile, j'ai des affaires à apprendre. C'est vrai qu'on a des affaires à apprendre, mais merde, apprenons-les. Mais ça, c'est vague, c'est large quand on dit ça. Apprenons-les, les affaires, à un moment donné. Pour y remédier simplement, à un moment donné, ben juste le fait de comprendre les choses à l'intérieur de soi, là, vous allez vous conscientiser. Le processus du miracle va commencer à être opérationnel. Ça va s'y remédier tout seul. On n'a pas rien à faire. La conscientisation, c'est le chemin le plus facile pour sacrer son camp d'ici. À sortir. L'évolution, c'est le chemin le plus pénible. L'évolution nécessite qu'on te fouette, qu'on te batte. Tu ne comprendras jamais rien, il faut que tu apprennes tout. D'accord, tu vas évoluer. La conscientisation, tu ne peux rien apprendre. Tu vas tout comprendre. Tu vas comprendre ce que tu as besoin de comprendre quand c'est nécessaire que tu le comprennes. Donc, c'est correct. C'est libéré. Plus de mémoire, plus besoin de rien de ça. Plus de stress, plus rien, ça c'est parfait. La personne, elle doit donc travailler sur elle, puis à un moment donné, elle va se dire, bon, c'est peut-être parce que, puis elle va voir des choses chez elle. Puis ça ne sera pas du jour au lendemain parce qu'on se met en maudit. On est des gros menteurs, on est super menteurs, on se cache tout comme il faut. Et je dis, à un moment donné, une personne, ben, bon, tu vois, je dis pas ça là, c'est bon. Pas trop 20 clients, il faut que je dise ça au jour d'avant. Mais les personnes ont beaucoup de difficultés avec elles-mêmes. Comme je disais à un moment donné, j'ai vérifié des gens, puis j'ai pas rencontré encore quelqu'un qui s'aimait. Bon, mais en partant, tu sais, il s'aime mentalement, puis je pense qu'il s'accepte astralement, égoïquement parlant, absolument pas. Alors la personne, bien, progressivement, elle va décoder des choses chez elle. Si elle fait le cheminement intuitif convenable, elle va décoder des choses chez elle. Puis juste le fait de décoder ces choses-là, elle commence déjà à changer. Pourquoi? Parce qu'elle conscientise des choses. Et elle prend conscience des choses. Pas par essai et erreur. C'est pas parce que c'est cassé la gueule 20 fois. Elle est arrêtée tout seul. Puis là, elle cherche. Puis elle prend l'événement comme un tarot. Puis elle cherche le boulot. C'est beaucoup plus efficace que de dire, là, je suis encore manipulé par mon ego, c'est l'astral qui me charrie. Pourquoi j'attire des événements qui me manipulent? Ça, quand t'as dit ça, là, t'as rien réglé, puis tu fais juste... C'est vrai que t'es manipulé, c'est vrai que t'es charrié. Mais pourquoi attires-tu des événements qui te manipulent encore? Mais là, tu t'assois, tu regardes n'importe quel événement, puis tu t'amuses à déconner. Faites pas ça rationnellement. Laissez-vous aller intuitivement. Dans le début, c'était un petit peu croche, c'était amusant. Laissez-vous aller intuitivement. Bon, pourquoi, par exemple, que j'ai un problème avec ma radio? Bon, la radio. La radio, ça reçoit de l'information. Peut-être que l'information qu'on me donne, je la reçois pas. Là, vous dites, ouais, mais peut-être que c'est pas la bonne information. Ça, là, tu sais, vous la recevez pas, vous pouvez rien savoir. C'est un mauvais poste, ça. Si la musique que je vous ai pas bon, qu'est-ce que t'en sais? Mais ça rentre pas dans ma radio. C'est un autre problème. La personne, elle va décoder. Intuitivement, simplement. On n'a rien à foutre avec la radio. Puis quand elle va commencer à régler son problème chez elle, juste parce qu'elle va conscientiser des mécaniques, vu qu'elle va avoir créé un lien avec la radio va commencer à mieux fonctionner. Puis si elle est plus bonne, la prochaine, elle va bien fonctionner. C'est sous, c'est niaiseux, hein? Mais ça marche comme ça. Imaginez, comme je le dis de temps en temps, la médecine accepte les maladies psychosomatiques, puis la médecine refuse les guérisons psychosomatiques. Ça fait partie de l'habitude traditionnelle. C'est 80% des 90% des maladies sont psychosomatiques. 100%, là, on dit 90%. Alors la personne va voir un guérisseur philippin, puis il fait semblant de tripoter, puis il ressort de quoi du corps. Puis quand on l'analyse, c'est du sang d'animal, puis c'est un morceau d'animal. La personne est guérie. Ah, un instant, c'est guéri, mais c'est à cause d'un cellule dans sa tête, puis. Et c'est merveilleux, justement! On est là, on dit, ouais, un instant, c'est pas. C'est merveilleux. Bon, on va les attaquer, puis on va dire à tout le monde, vous allez aller pas là, allez vous faire fourrer. Ils vont vous soigner, puis ils vont vous tromper. Et venez chez nous. Puis on vous soignera pas, mais au moins, on tombera pas. L'humain doit s'émanciper. On vous soignera pas, mais nous autres, ça passe à la cape. Ah oui, mais l'humain doit s'émanciper au processus du miracle. Hein, c'est parce que vous avez cru au charlatan que ça a fonctionné. Vous dites, ben oui, mais tant mieux. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? L'humain doit s'émanciper au processus du miracle. Ça veut dire que quand l'humain va commencer à régler son problème à l'intérieur de lui, sa radio va commencer à mieux fonctionner, l'argent va commencer à rentrer, la gang va commencer à cesser de l'engueuler. Et c'est simple. On y remédie simplement en trouvant chez soi le phénomène. Mais maintenant, où il y aura le problème, c'est qu'un humain qui est insuffisamment transparent ne pourra pas se servir du processus du miracle. Vous savez, c'est pas miraculeux, ça, cette affaire-là. Ça marche pas tout le temps. L'humain, par exemple, qui part avec le principe de base que lui, il est parfait. Mais oh, pas consciemment. Moi, des fois, je parle à du monde, là, puis on n'a rien à leur dire, ils sont parfaits. Là, je leur dis, crime, t'es parfait! Oh, non, j'ai plein de défauts! Et quel défaut? Pas capable de m'en dire un. Il veut tellement pas. Tu sais, il est pas parfait, mais... C'est dans l'horaire de cette prochaine. On y remédie simplement, j'observe de quoi, puis cherchez chez vous ce qui va pas. Partez pas avec l'idée que ça va. Une chose, dernièrement, moi j'étais assis aussi sur ma balle de toilette, parce que c'est le siège du penseur. Et puis là, je me dis, peut-être que... Ah non, ça, j'ai pas ce problème-là. Là, arrête! Peut-être que j'ai ce problème-là. Je vais voir! Puis je l'ai peut-être pas. Mais si je pars avec l'idée que... Ah non, ça, je l'ai pas. Mais là, on se ferme des mots, t'as dit de belles portes pour arriver à faciliter les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Paraître beau ou finir par être bien? Hein? Bon, là, je me suis dit, non, peut-être que j'ai ce problème-là. Peut-être je l'ai. L'ego, il l'a peut-être. Là, après ça, je continue à fouiller, continue à cheminer. Il m'a donné, ben là, je ne me rappelle même plus de c'était quoi le problème. Donc, si je l'avais, il n'est plus là. Puis si je ne l'avais pas, il n'est plus là non plus. Ayez pas peur de vous remettre en question. Puis automatiquement, vous allez régler plein de problèmes biologiques, de santé, financiers, temporels, n'importe quoi. La semaine prochaine, le 7 juin, la semaine prochaine. Oui. L'apparition de 3e cerveau. Oui, c'est le cerveau qui va permettre la descente de l'intelligence préfrontale dans le contexte planétaire. Là, on a un cerveau qui est cartésien, un cerveau qui est intuitif, qui est deux hémisphères. C'est le cerveau éthérique. Bon, on va en reparler. On là-dessus, ben, bonne semaine, monsieur Bien. Ah, ici, Michel a quelque chose à vous dire. Je pense que ce micro-là, les gens écoutent plus. La communauté aussi organise tout au long de l'année.